dessinant des ronds, font de leur cible un siège, font brûler les ponts, la cité est prise au piège. Les feux font du son qui accompagne le cortège de morts, de maisons, de vie qui se désagrège. Les dragons volent en fond pour punir le sacrilège. Le monde est étrange, tout est distordu, votrons-nous dans la fange avant que tout soit perdu. L'odeur est hostile à toute réflexion. Dehors on jubile, on s'est fait une raison. Tout est difficile, faut tenter une action. Sacrifice inutile, allons mourir en chanson. Que tout le monde enfile son slip en extrême onction. Le monde est étrange, tout est distordu, votre monde à la fange, je veux que tout soit perdu. Une offense au règne du plus con. Et l'attaque une défense sans aucune raison. Dans ce que le tout pense à servir par commotion. Contrôler les dépenses de toutes nos émotions. Le monde est étrange, tout est distordu. Votrons-nous dans la fange avant que tout soit perdu. La vie c'est des rêves, un masque de fiction. C'est comme quand tu crèves, juste en un peu plus long. Profite de la trêve avant que viennent les dragons et tombe la neige.